Okay. No drum. Je n'entends pas la batterie. Violon, elle va pas aimer, je crois. Le violon, il est parti. Back. C'est back. On dit back, ça. I'm looking for another song. parce qu'il est le son de ta séquence. Je cherche. I am looking for a song. Too many songs. British. C'est quoi ce son? Putain, où est-ce qu'il est ce son de... alternatif. Comment on faisait là? C'était un AC Box qu'il avait? C'était des AC Box qu'il y avait. Bah, je trouve plus. Ce vent qu'il y avait là. GR4 Foo Fire Kiss Jimmy One May. Putain, il est où ce truc? Attends, je vais regarder. Ah non, pas comme une arme.